Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, martedì sera, benvenuti nuovamente a Bruxellando e insomma siamo ancora abbastanza contenti perché possiamo ancora soffrire di belle giornate nonostante insomma ci stiamo lentamente avviando su questa lunga stagione invernale. Tra l'altro sabato ci sarà sabato notte, quindi già domenica ci sarà il cambiamento dell'orario, quindi passiamo all'orario cosiddetto legale, quindi magari forse farà buio prima, quindi insomma il fatto che non faccia ancora tanto freddo veramente di buon auspicio. Volevo rassicurare tutti coloro i quali ci hanno scritto che le puntate di Bruxellando, le prime ormai quattro che abbiamo fatto già per quest'anno, eccetto una che purtroppo non siamo riusciti a recuperare per problemi che insomma questo è il bello della diretta, insomma non possiamo prevedere in anticipo, saranno tra qualche tempo disponibili anche sul podcast. Scusateci di questo ritardo, ma tra recuperare i file, pulirli poi del suono, insomma fare un po' di cose, sta diventando un bel impegno e anche un bel lavoro. Siccome siamo abituati a darvi sempre il meglio e a darvi la migliore delle qualità possibili, insomma la pazienza sarà premiata. Saluto Daniele Regia, la nostra Buonasera Imola. Buonasera a tutti. La nostra Imola che qui in studio. Salutiamo invece George che è in viaggio, quindi beato lui, insomma, che probabilmente si starà divertendo. Se invece è il nostro ascolto, George, ascoltaci, magari se puoi telefonaci, chissà, ci farebbe davvero piacere. Questa sera è una puntata abbastanza ricca, perché abbiamo due ospiti qui in studio e io sono molto contenta di riaverli nuovamente qui con noi, perché ormai sono veramente dei cari amici di Bruxellando che ci hanno permesso anche di allargare un po' gli orizzonti culturali nonché linguistici. Quindi parzialmente la puntata di questa sera sarà in francese, questo poi è anche il bello di Radio Alma, e non solo in francese, perché insomma faremo un po' un tuffo nella cultura dei Balcani, quindi nella cultura di terre ahimè dilaniate dalla guerra, ma che sicuramente riusciranno ad uscire insomma da questo momento difficile, e a scrittori, poeti che nonostante questo loro travagliato periodo riescono comunque a produrre cultura, e che cultura poi avremo modo di ascoltare. Quindi parleremo di tre autori, di cui uno qui presente in studio, e parleremo in particolare di Mirko Kovács, di Lana Derkac, poi mi correggerete per la pronuncia, magari anche Dani in regia, e ovviamente di Tomislav Dretar, che come ricorderete è stato già una volta nostro ospite. Tomislav ha raccolto nuovamente insomma tante poesie, questa volta in francese, e poi sarà lui a raccontarci il processo di creazione di queste poesie, perché è bellissimo e vale la pena raccontarlo. E con noi ovviamente nuovamente il nostro amico Gérard, Gérard Adam, che qui avec nous désormais depuis 3 ans je pense, no? Depuis que oui. Depuis l'existence de... Je pense qu'il a été parmi les premiers en fait qui a pu participer à Bruxelles, et donc moi toutes les fois que je le rencontre en fait je suis contente, parce que c'est quand même une épreuve en fait, que oui c'est vrai on est là depuis 2007, que on essaye quand même de c'est un grand copain de voyage de représenter donc le but de notre radio multiculturelle et multilinguistique. Donc on a pas mal de choses à dire, donc Gérard, j'aimerais bien quand même si tu peux aussi dire quelques mots sur ta petite maison d'édition, comme ça on le rappelle aussi à nos amis qui nous écoutent. Oui, donc cette maison s'appelle MEO, MEO. Au départ, c'était pas une maison d'édition, c'était une ASBL qui venait en aide aux réfugiés de Bosnie-Herzégovine et des pays d'ex-Yougoslavie pendant la guerre, qui peu à peu s'est reconvertie dans l'aspect culturel et qui a travaillé à des traductions donc d'auteurs d'ex-Yougoslavie en français et dans l'autre sens d'ailleurs. Et puis comme ces activités de traduction, de publication, commençaient à prendre un rôle tellement prépondérant, disons que cette partie-là s'est peu à peu distanciée de l'ASBL initiale, qui va d'ailleurs disparaître dans les tout prochains jours, pour former une nouvelle ASBL qui s'appelle Édition MEO. On a gardé les initiales, c'est devenu Édition Ouverture, ça n'a pas d'importance. Ça reste Édition MEO, L'esprit est toujours le même, c'est un esprit international. Nous traduisons des auteurs de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et un petit peu via Mirko Kovac de Serbie, parce que lui était tout ça à la fois. Nous publions aussi des auteurs belges, mais nous avons aussi des projets un peu plus larges. On pense éventuellement publier une Rwandaise qui fait part, enfin une Belge maintenant d'origine rwandaise qui nous fait part de son expérience, du génocide, etc. Donc on a des projets, pas de sous pour les réaliser comme toujours, mais on les réalisera quand même comme toujours. Voilà notre petite maison d'édition qui a quand même maintenant déjà une quinzaine de titres, qui est diffusée en France, en Belgique, qui commence à être vraiment prise au sérieux un peu partout. Voilà. Alors avant donc de se plonger donc dans les romans et les poèmes, comment tu vas à la recherche de ces poètes, de ces écrivains? Quel est le lien que... Alors, les écrivains de là-bas nous sont apportés soit par Tomislav Dretar, soit par Spomenka Jumhur, pour Mirko Kovac. Spomenka qui a été la fondatrice initialement de cette ASBL, donc Modest to West. Soit, ça fait boule de neige, parce que Lana Derkac nous a été amenée, si on peut dire, par un auteur que nous avions traduit et publié, qui est Admiral Mahic, que vous aviez eu l'occasion d'interviewer il y a deux ans, je crois maintenant. Il y a 2008, oui. Et donc, nous étions en quête d'une poète de la nouvelle génération des poètes croates, et Admiral nous a dit, on en connaît une, elle est extraordinaire, c'est Lana Derkac, c'est peut-être elle. Et quand Admiral dit ça, personne ne peut dire non. Ne peut dire le contraire. Ne peut dire le contraire. Et donc voilà, nous sommes, bon. Et ainsi de suite. Maintenant, Tomislav Dretar est en train de travailler à un projet très ambitieux, qui est une anthologie des poètes non conformistes de Bosnie-Herzégovine. Peut-être qu'il pourra-t-il en dire un mot tout à l'heure. Mais là, c'est pour peut-être la fin de 2011. Là, on ne sait pas encore où on en est. Mais là, il travaille d'arrache-pied à cette anthologie. D'accord. Alors, Bruxelles, elle est là, donc même à la fin de 2011, pour écouter à nouveau donc Tomislav. Mais avant de penser au futur, on pense maintenant au présent. Donc, Tomislav, comme vous le savez, peut-être vous vous souvenez, donc il est d'origine bosniaque. Donc croate. Donc, il est un vrai homme des Balkans. Quoi. La mère bosnienne et le père croate. Ah, d'accord. Comme ça, tout le monde est content. Il a déjà écrit pas mal de choses. Et ce soir, on est ici pour présenter Parole, mon logement social. Et je dois vous avouer que, chers amis, à l'écoute, il faut acheter ses livres, il faut lire ses poèmes. Parce que pour tous ceux qui aiment Bruxelles, pour tout le monde qui, comme nous, en fait, c'est expat, donc, qu'on vient d'un autre pays, pour des raisons différentes, parce que chacun, à la fin, a ses propres raisons, mais vous allez retrouver, je pense, une partie de la ville que vous aimez. Et j'ai aimé ces poèmes parce que vous allez sentir qu'il y a de l'amour dedans, qu'il y a une passion qui va au-delà de la ville et qui amène, je pense, aussi les valeurs de Tomislav. Mais ce n'est pas à moi, en fait, d'ajouter plus. On voudrait donc savoir, Tomislav, quel a été le processus pour écrire ces poèmes, parce que je sais qu'il y a une histoire très drôle derrière qu'il faut absolument raconter. Merci et buonasera, cari amici italiani. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je remercie pour la question trouvée. C'est l'amour qui est point de départ dans ce livre. J'aime bien cette ville de qui je désire le voir depuis, croyez-moi, il y a 50 ans. J'étais en lycéenne quand Bruxelles a fait l'exposition mondiale et je voulais y aller avec mes camarades, mais la police a dit « Ah, vous non, pas vous. Si vous sortez, vous ne rentrez pas et vous allez raconter des ragoûts contre le communisme. » Et voilà, donc il fallait d'abord faire mon amante à moi de la langue française. Je l'aime bien, on s'embrasse mutuellement et on se comprend bien. Mon français, moi et les autres, je suis pas sûr qu'il la comprend bien, mon français. Mais Gérard est toujours là et il court au secours et on fait nos enfants compréhensible à tout le monde. Donc, c'est Gérard qui met point final à mes enfants. Mais le moral et l'éthique est au très haut niveau. On n'a pas de doute dans l'origine de nos enfants. Bruxelles m'a accueilli avec les bras ouverts et moi j'ai essayé de répondre de la manière, mais je voulais être quand même moi-même, pas glorifier la ville connue au monde, une métropole mondiale, pas s'incliner comme un mondial. Je n'étais pas aussi comme un tel, donc je voulais faire semblant aux vrais Bruxellois. Parce que nulle part au monde, et j'ai assez voyagé, je n'ai pas vu les gens gentils et si ouverts, de l'âme ouverte, de l'esprit ouvert comme à Bruxelles. Et je voulais un peu que les gens rient, qu'ils se sentent délâchés des... d'importe quel poids sentimental, éthique, économique, comme ça. J'ai marché par Bruxelles, je l'aimais par mes yeux, et il m'a aimé par ses rues, ruelles, ses places, parcs, etc. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose, parce que Tomislav Dretar est trop modeste, il ne va pas parler de lui, hein. On va l'interroger, il ne va jamais parler de lui. Il faut quand même savoir que ces poèmes ont été écrits, en tout cas pour une partie, à l'époque où il était ici demandeur d'asile, chassé de son pays pour son activité politico-militaire. Après la victoire. la victoire de la fuite. Non, soyons sérieux. Donc il était ici, émargeant au CPAS, demandeur d'asile, et il marchait dans les rues. Et il voyait, et quand même, il faut quand même lire le poème initial, c'est quand même... Oui, les prémices, qui donne l'idée, le titre, quand même. Hein. « Je suis allé à la ville de Bruxelles demander un logement social. Ils m'ont donné leur parole, et depuis, j'habite la parole. » Bon, le poème continue, on ne va pas aller plus loin. C'est quand même un peu narquois, malgré tout. Mais on continue, non seulement c'est écrit à cette période... Mais Tomislav Dretar, qui est maintenant naturalisé belge, qui est belge, n'a pas voulu rester au CPAS et a donc voulu travailler. Et lui, qui en Bosnie était professeur d'université, à l'université de Bihać, s'est retrouvé à l'université de Louvain-la-Neuve comme ce qu'on appelle pudiquement technicien de surface, c'est-à-dire... Nettoyeur, où il a brillamment fini sa carrière universitaire il y a quelques mois. Oui, ben j'ai même pas de problème, mais les gens voient que j'ai fini la carrière à l'université les gens disent ancien professeur de l'université de Louvain-la-Neuve. Mais tout court, quand a été élu le professeur d'honneur avant 6 ans, un prêtre de venant de Palestine, un catholique monophysite, j'oubliais son nom, mais la ressemblance entre nous deux était comme deux jumeaux. Et quand je suis entré à l'intérieur, mais en compagnie des futurs recteurs de l'université, à l'époque doyenne de la faculté de philosophie, et on se parlait, on a serré la main, et les étudiantes pensent qu'ils attendaient le professeur honoris causa prochaine. Il pensait que c'est moi. Ils m'ont pris pour lui, et ils m'ont tendu le cahier, un livre de mémoration de grands événements, de le signer. J'étais frappé par et tout le monde me regardait, mais je dis écoutez, excusez-moi, vous trompez. Et après, quand la mise en scène s'est déroulée, j'ai vu le docteur honoris causa, qui est comme mon frère que je n'ai pas. Et il m'a vu dans le public, et il m'a fait clin d'œil quand il a vu lui-même. Il avait compris donc que quand même il y avait des ressemblances. Alors, mais étant donné que ce soir c'est quand même une soirée, ça me semble être très, comment dire, avec les souris, on peut commencer peut-être à lire un de tes poèmes. Qu'est-ce que tu en penses? On peut lire Chant d'Anna Partridge, comme ça peut-être on donne un peu l'esprit. Je voudrais bien. De ta poésie. Je voudrais bien, parce que. Ou toi ou Gérard, je ne sais pas comment vous allez faire. Ceux qui vont l'aimer, ce sont notamment des Italiens. ça, j'en doute pas. Moi? Oui. Donc, Chant d'Anna Partridge. Si le soleil avait une nationalité, sans doute serait-elle française, car il lèche la terre entre les anges. Si la terre avait une nationalité, sans doute serait-elle anglaise, car elle jouit sans gémir ni crier. Si l'océan avait une nationalité, sans doute serait-elle turque, car pour lui, les femmes lèvent les jambes sans qu'il leur demande, ni qu'elles se soucient des vers, quel ciel s'élèvera l'idée sainte. Si le ciel avait une nation. Je pense, en tout cas, ici, c'est rigolo, on pourrait ouvrir un débat sur les différentes nationalités. Mais voilà, donc, c'est pour donner... Vu par un homme. Vu par un homme, en plus. Donc, là, un peu macho. Un tout petit peu, juste. Et alors, je vois que, étant donné qu'on est en Belgique, étant donné, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de gouvernement... Tu as écrit « Même si la Belgique s'est scindée » à la page 41. Peut-être, si Gérard il est d'accord, qu'il peut la lire, comme ça on va même s'interroger sur ces questions-là. Et si la Belgique se scindait, où s'installeraient les moules et s'en iraient les frites? Vers où coulerait la bière, synthèse de la beauté belge? À deux extases mènera la route, l'une dans la cave, l'autre au grenier, où les patrons aiment lutiner leurs servantes, jouissant d'elles aux deux endroits et payant leur service au noir. Dans la cave, la branche souterraine continuera de vivre en racine de tristesse. et la corde dressée au grillage subsisteront les coquilles vides, afin que le passé soit logé confortablement, comme dans un musée de la bière et des moules frites. Je pense que ça rend quand même l'idée. C'est belle déjà. Moule frite. Moule frite. Mais écoutez, je me sens belge entièrement. Ouais, mais oui. Sincèrement. Ça fait combien de temps que tu es en fait ici en Belgique? Oui. Ça fait combien de temps? 17 ans. Ah ben quand même, c'est une très longue période. Donc, en plus, tu es devenu belge. Donc voilà, il y a une raison de plus. On va lire encore l'autre. On va peut-être lire un autre poème qui donne un aspect d'une autre facette de Tomislav Dretar, qui a quand même écrit et publié, notamment chez Méo auparavant, des poèmes qui sont à la fois des poèmes d'amour et des poèmes mystiques, qui est tout à fait différent de ces textes-ci, qui étaient à l'époque des poèmes écrits durant sa vie, sa première vie en Bosnie, Croatie. Et on a ici un poème qui rappelle quand même cette période et qui s'appelle « Ultime paysage », qui est peut-être aussi un poème de nostalgie, je ne sais pas, qui est aussi un poème de spiritualité, qui est beaucoup de choses à la fois, chacun y apporte un petit peu ce qu'il veut. Il s'appelle « Ultime paysage ». Et c'est un poème qui est rimé, qui est en rime dans l'original. Je n'ai pas pu le traduire en rime, ça aurait été trop artificiel. Mais c'est donc pour dire que Tomo n'écrit pas souvent des poèmes en rime, mais celui-là était rimé. Du val à la montagne, le chemin longe la rivière. Avec lui, je serre dans l'index, à l'horizon devant nous, vers la pente du ciel. Je manque de lumière pour éclairer le sol et trébuche sur une roche guettant dans la pénombre. Mon pas imprudent continue d'hésiter entre départ et retour sans le moindre but, pas même comme il se doit au début du chemin, sans soleil pour m'éclairer parmi les branches de myrrhe. Les douceurs de l'enfance, quittées à jamais, trop tôt se sont éteintes au carrefour du foyer. De la voix de ma mère, l'écho sonore et chaud plus jamais n'apaisera les orages de mon âme. Arrivant harassé au sommet de la montagne, je m'arrête, et de mon œil vieilli regarde la vallée. Un dernier rayon d'enfance y pénètre en secret, fond en une ombre ultime la vallée du souvenir. C'est aussi le Tomislav Dretar. Merci Gérard. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, même ta lecture. Étant donné qu'on a encore quelques minutes avant de passer soit à Mirko Kovac, soit à l'autre autrice, Lana Derkac. On a le temps peut-être de lire un autre poème encore à la page 81. Bruxelles est un vrai trésor de paroles. Parce que je pense aussi qu'elle donne bien à la fois notre esprit d'étranger et d'intégrer ici en Belgique. Oui, c'est aussi la bizarrerie de Bruxelles qui a été une terre d'accueil extraordinaire au début et qui maintenant est en train de resserrer au maximum et de... Il y a des paroles sans le moindre conditionnement qu'il suffit d'appliquer sur mon dos courbé. Puis des paroles sans la notice agitée trois fois avant l'emploi. Il y a des paroles à prononcer et des paroles à oublier, de même que des paroles non prononcées, mais clairement opportunes en toute occasion. Il y a des paroles pleines de sens et des paroles pleines de sous-entendus. Bruxelles, avec soin et sincérité, conserve les paroles de son héritage, celles de Napoléon et de Victor Hugo, de Verlaine et Rimbaud, de Karl Marx et de 150 orateurs proscrits. Bruxelles compte sur ses paroles comme Anvers sur ses diamants ou Paris ses musées. Bruxelles tient ses paroles bien rangées, répertoriées sur des rayonnages. Elle les envoie par avion en avant-garde pour que jamais une parole sans papier suite à sa bonne expérience de l'endormissement. En tout cas, Tomislav, il a un sens de l'humour qui est fantastique. Il peut dire en même temps des choses tellement sérieuses qui vont se mélanger avec, je ne sais pas, c'est magnifique. J'ai trouvé même ce poème. Si vous êtes d'accord, la dernière, qui est toute brève, Parce que quand même, il faut aussi... Donner le goût. Donner à le pâté. Goût. Non, mais cette fois-ci, ça concerne la Bosnie. Donc, c'est en fait Tristesse bosnienne, à la page 75. Oui. Qui me rappelle d'ailleurs un poème célèbre que Tobo doit connaître par cœur. Comment s'appelle ce grand poète de Bosnie Son nom Magdizdar, qui a écrit aussi ce qu'est la Bosnie, etc. Ça me semble que tu es d'accord. La tête au ciel, pied clenché, obstiné, jour et nuit. Elle se précipite en masse des collines sur un foyer chaud, sur la paix, sous un stechak, dans la tombe. Un stechak est une tombe bogomil. Enfin, comme un menhir, c'est des bogomil. Tomislav, qu'est-ce qui reste dans ta mémoire de ton pays d'origine? Heureusement, je ne suis pas encore... arrivé à cette phase de ma vie, je regarde devant, bien droit devant moi. J'évite de me souvenir de mon pays et l'histoire est très longue et très compliquée pour de mes entourages en plusieurs endroits de ma vie, où c'est ma vie avait déroulé, mais je ne sens pas sincèrement la nostalgie. J'habite la parole et maintenant je suis bien heureux d'avoir obtenu un vrai logement social. Non pas à Bruxelles, mais en Flandre. Avec l'obligation de s'inscrire à un cours de néerlandais. Voilà, et je suis première classe comme ma... C'est toujours possible. Donc, pour tous nos amis qui nous écoutent, c'est toujours Bruxellando. Ce soir, une édition un peu spéciale en français. On vient d'écouter des poèmes de Tomislav Dretar et son dernier livre et Parole, mon logement social. Donc, on avait aussi dit, donc, au début de la soirée qu'on allait parler de vos expériences avec Lana Derkac. Donc, je vous laisse la parole pour nous expliquer un peu quels sont les thèmes dont elle parle dans sa poésie, si vous avez déjà pu traduire ses poésies et, en fait, nous décrire brièvement de quoi s'agit-il. Bon, on va un peu improviser parce que Lana, moi, je ne la connais pas. Donc nous étions en quête d'un poète qui a fait un tout grand poète de Bosnie que nous avions déjà traduit et publié, qui s'appelle Admiral Mahic, que vous connaissez. Nous avons dit, écoute Admiral, est-ce que tu peux nous recommander quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais qui serait une espèce d'oriflamme de cette nouvelle poésie croate? Il n'a pas hésité un seul instant, il a dit, il y en a une, c'est Lana Derkac. Alors Lana Derkac, on s'est attelé, elle nous a envoyé d'abord ce livre, puis d'autres poèmes, parce qu'on a traduit un recueil d'elle, et nous avons complété par des poèmes extraits de ses recueils précédents, pour arriver à un recueil d'une centaine de pages. Mais une poésie quand même extrêmement ancrée dans une réalité profonde et une interrogation sur le monde dont elle se moque. C'est assez étonnant parce que quand on a eu terminé le livre, bon, on s'est mis à le mettre en page, etc. Et puis, il fallait trouver une couverture. Mm-hmm. Et on avait choisi comme couverture, au début, un tableau de Monique Tomasetti que vous connaissez, qui est un très beau tableau représentant une femme... Il y avait de l'humour dans ce tableau, il y avait, et alors qu'on envoyait la cache, elle nous a répondu, j'aime beaucoup ce tableau, mais il irait très bien à la poésie de Garcia Lorca, pas à la mienne. Alors que nous, on trouvait que vraiment ça allait. Et elle dit, Et on lui dit, mais pourquoi ? Il me dit, ça manque de béton. Oh. Ça manque de béton. Ma poésie, c'est du béton. Nous n'avions pas eu cette sensation. Nous, on la voyait plutôt une poésie très fine, légère, pas spirituelle au sens de spiritualité, oui, mais spirituelle au sens de drôle. Oui. Et elle se voyait comme une poésie, et on la voit souvent comme une poésie de béton, comme une poésie dure. Très étonnant. Donc, la perception qu'on peut avoir de la poésie n'est pas forcément la même partout, et celle qu'a le lecteur n'est pas forcément celle de l'auteur. Oui. Et donc, elle nous a envoyé une photo, parce qu'elle fait un peu de photographie aussi, qui est une photo d'une ombre sur un mur de béton, justement, d'une silhouette retravaillée, je pense. Et effectivement, une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, mais oui, bien sûr, c'est vrai, c'est ça aussi. Et on était très contents d'avoir finalement un tableau, oui, une photo de l'auteur en couverture. Pourquoi je dis ça, moi ? Voilà, non, on était simplement en train donc de raconter un peu l'histoire des poèmes de Lana Del Cach. Mais donc, moi, je n'ai jamais rencontré Lana Del Cach. On a échangé beaucoup de mails parce qu'il y avait des problèmes pointus de traduction. Ouais. Parfois, il fallait 15 mails pour arriver à traduire un mot. Toi, tu l'as rencontré, Tomo. Oui, j'avais l'honneur et le bonheur de la rencontrer en compagnie par son mari, bien sûr. c'est une personne très délicate, très sensible, très belle à la fin. Et je ne m'étonne pas qu'elle a choisi béton comme l'opposition à son point et sentiment de vie. Une telle personne, par sa propre nature, et rien que la poésie entièrement, en totalité, et elles sont bien notre époque comme époque du béton, comme on dit. D'un côté, elle dit la vérité, que sa poésie est de la béton, mais je crois à la surface. Mais profondément dedans, comme tu as dit, Gérard, c'est une autre chose. Mais c'est comme partout, le poète pense une chose sur sa poésie, mais en effet, il ne connaît jamais qu'est-ce qu'il a fait. C'est aussi une poésie, si pas de l'incommunicabilité, c'est un peu tarte à la crème comme mot, mais de la communication distordue entre les gens. Ouais. Et notamment, elle met sans arrêt en scène, dans ses poèmes, des dialogues. Et des dialogues qui se croisent sans se rencontrer, où chacun suit son monologue. Et c'est de cette confrontation des dialogues que naît finalement la surprise et le poème. Il serait intéressant peut-être de lire, mais j'aimerais bien que Tomo le lise une fois en croate pour qu'on ait aussi la musique de la langue. Un poème qui s'appelle Tsunami, et qui a été écrit juste après le fameux Tsunami. Mais ma voix, c'est du tambour, et elle, elle est de la flûte. On va lire le premier paragraphe. Hein. Lis le premier paragraphe, moi je lirai le poème après, oui. J'ai pas compris. Tu lis le premier, tu lis en entièrement. Non, jusque 5 ou 6 vers, oui. Ah oui, la fin d'italique. Par exemple, oui. D'accord. Tsunami. Spuštam šalicu s čajem baš u trenutku kad televizor preplavljuju snimke tsunamija. Komentiraš. Smrt je opet laureat. Ovaj put je u Aziji primijenila jednu od svojih borilačkih vještina. Donc, Tsunami, je pose la tasse de thé au moment précis où les images du tsunami inondent la télé. Tu commentes. La mort est à nouveau championne. Cette fois en Asie, elle a exercé une de ses pratiques d'arts martiaux. Je me demande si les vagues de l'écran concourent pour une médaille, ou si elles se contentent de baigner l'apocalypse à leur manière assassine. J'ajoute, la mort les envoie. Chaque vague qui s'en échappe est une lettre d'elle, et je ne sais vraiment pas ce que diront les graphologues lorsqu'ils reconnaîtront les brisures de son écriture. Il existe une multitude de combinaisons à travers les vagues, deux rives correspondent, ou l'ordre, ou le désordre, ou des langues d'intranquillité, ou le centre de la terre. Tu me demandes, peux-tu imaginer une sirène en uniforme, au plus tumultueux des vagues, déclarer la guerre d'une voix plus assourdissante encore ? Même l'Odyssée l'évite. Peux-tu reconnaître le sable qui enfile un treillis de combat, et savoir que lui a échappé le souvenir d'Hitler et des guerres mondiales ? Je te convainc, de l'univers, Dieu observe tous les assassins et donc les vagues d'aujourd'hui disposées en écume. Même sans télescope, il devine cet écume comme un maudit liseron. Bah, quand même, il a des lumières quand même qui est... D'accord, alors, on a encore quelques minutes. Il nous reste encore de traiter Mirko Kovács, La ville dans les miroirs. Et le temps passe vite à la radio. Mirko Kovács, c'est tout autre chose. Ce n'est pas de la poésie. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il a essayé d'écrire de la poésie, qu'elle était effroyablement mauvaise. Il avait commencé par écrire de la poésie. Donc Mirko Kovács, c'est un des grands, un des tout grands écrivains contemporains des Balkans, peut-être même le plus grand de ceux qui sont en vie actuellement. Son nom a déjà été cité pour le Nobel de littérature. Il a en tout cas obtenu le prix Tucholsky du Pen Club de Suède, qui est une bonne introduction au prix Nobel. C'est un homme qui est né en 1938, donc c'est plus une jeunesse, il est même plus vieux que moi, c'est tout dire. En Herzégovine, près de Dubrovnik, en fait à la frontière entre la Croatie, la Bosnie-Herzégovine actuelle et le Monténégro, vraiment sur la frontière, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est réclamé par la littérature croate, par la littérature serbe, monténégrine et de Bosnie-Herzégovine. Ça l'arrange très bien, il fait partie de tout le monde, ça, il est tout à fait antinationaliste. Il a commencé à publier en 1962 et dès son premier roman, Gubilischte, l'échafaud, publié donc en 1962, il a été condamné par la censure yougoslave. Condamné parce qu'il donnait une image noire du monde qui s'opposait à l'image lumineuse que devrait véhiculer un écrivain communiste. Enfin. Mais curieusement, ses livres ont été condamnés. Ouais. Mais curieusement, on a toujours continué à le publier. Voilà. Parce que tout le monde l'a reconnu comme un grand écrivain. Et on le publiait et on le démolissait dès qu'il était publié. Ça a continué. Ça a culminé en 1971 où un recueil de nouvelles qui s'appelait Rane Lutke Meshterovica. C'est juste Meshterovica. Meshterovica ici. bon, peu importe. Un recueil de nouvelles a obtenu un des principaux prix en Serbie, le prix Miroslav Glišić. Et puis, un an et demi après, une commission lui a retiré son prix. On a récupéré tous les bouquins en librairie, chez l'éditeur, dans les bibliothèques, et on a fait un auto da fé avec ses livres. Ce qui n'a pas empêché l'année suivante de publier son livre. Et donc, il a toujours louvoyé comme ça, sans jamais faire aucune compromission, mais sans être non plus un véritable dissident. Lui, il a rien à cirer de tout ça. C'était un écrivain, il avait sa ligne et il continuait sa ligne. C'est aussi un scénariste. Il a écrit les scénarios d'une petite dizaine de films, dont un a été présenté à Cannes et a obtenu une série de prix internationaux. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. J'ajoute qu'il a eu en Allemagne le prix Herder, qui est un prix très très important donné à une littérature étrangère. Un prix par exemple qu'a obtenu après lui Milos Kundera. Donc c'est pas n'importe qui. Je suis donc particulièrement fier, d'abord, d'avoir pu acheter les droits de son dernier roman, c'était pas évident. Il a déjà été publié en français, il a eu deux romans publiés en français chez Rivage. Il est traduit dans une vingtaine de langues, c'est pas peu dire. Ce roman s'appelle « La ville dans le miroir ». Je l'ai traduit avec Spomenka Djumhur, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et c'est en fait un roman autobiographique, ce qu'il appelle un nocturne familial. Il a écrit beaucoup sur sa famille, sur sa région. Il dit d'ailleurs de lui-même que, comment dirais-je, qui n'a aucune imagination. Heureusement. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin, qui n'a aucune imagination, et que lui, il se contente d'écrire ce qui est. Mais j'ai noté quelque chose, j'essaie de le retrouver, quelque chose qu'il dit dans une interview. Voilà. L'art d'écrire par lui-même transforme la réalité en fiction et donne une valeur esthétique aux faits réels. Donc ça, alors qu'il a aussi été un des champions de la littérature postmoderne et qu'il a écrit des romans complètement postmodernes. Donc il joue sur plusieurs tableaux. Il dit aussi, c'est un livre qui a été terminé il y a 20 ans et qu'il n'a jamais publié. Ça a été jusque chez l'imprimeur et il a retiré les exemplaires de l'imprimeur au moment, juste avant la parution, parce qu'il n'en était pas content. Et il a publié 20 ans après. On lui demande pourquoi. Il répond, un roman est prêt quand on ne peut plus ôter une seule ligne au manuscrit. En le voyant en cours d'impression, il s'est rendu compte qu'il y avait encore des lignes à supprimer. Donc voilà le personnage. Ce livre a trait à certains membres de sa famille et de son entourage, notamment son père, qui est un commerçant pauvre, bohème, alcoolique, mais aussi une espèce de philosophe amateur avec qui il s'est bagarré toute son enfance, qu'il a détesté à un moment de son enfance, pour se rendre compte après que c'était finalement un grand personnage. Et se rendre compte quand il était presque trop tard, au moment où il lui rend une dernière visite, parce qu'il n'a plus vu depuis 6 ans, il a quitté la famille à 18 ans, il n'a plus vu son père de la famille pendant 6 ans, il a vécu une vie de bohème en Croatie, en Serbie, et puis son père est au sanatorium où il va bientôt mourir, et il revient et il va voir son père. Et cette ultime promenade au sanatorium avec son père qui clôt le livre révèle qui était vraiment son père est un choc pour lui. C'est un passage. Alors qu'il, par nulle part, il se refuse à tout sentimentalisme. C'est presque une écriture chirurgicale, mais de cette écriture chirurgicale naît une émotion extraordinaire. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est Spomenka Djumhur qui me l'a présenté. Et plus je traduisais, plus j'avais l'impression, la certitude d'être en train de faire un grand travail sur un grand homme. Et j'adore ça. Il y a des pages extraordinaires, notamment sur son institutrice. En fait, sa vocation d'écrivain vient de deux personnes. Son institutrice d'école primaire et sa grand-mère, qui était une raconteuse d'histoires, de fées, de diables, etc. Et c'est de ces deux personnes qu'il a tiré son institutrice, qui était extrêmement exigeante sur la qualité d'écriture et qui était en porte-à-faux sans arrêt attaquée par les autorités communistes locales et pour laquelle il avait une admiration profonde et je dirais un amour d'enfant. Il était follement épris de son institutrice. Il dit lui-même d'ailleurs que toutes les femmes qu'il a aimées dans sa vie par la suite était dans sa tête des images de son institutrice. Un livre extraordinaire, La ville dans le miroir, donc, de Mirko Kovac. On peut le conseiller donc à tout le monde, La ville dans le miroir, de Mirko Kovac. Donc, nous sommes, je pense, tout le monde ici, très contents donc, de ces soirées un peu spéciales consacrées à la langue française et à ces auteurs qui ne sont pas français, mais qui souhaitent quand même être lus en français. Donc moi, je remercie à la fois Tomislav Dretar qui était avec nous, Gérard, comme d'habitude, qui nous amène dans ses parcours et ses voyages fantastiques dans cette littérature. Et pour clôturer, je sais, il nous reste 5 minutes, mais voilà, je laisse la parole à Imola. Et non, la sigla stasera. Se vuoi però la possiamo inventare. Vai. Librangolo. Grazie, anche se stasera era proprio un librangolo esteso, molto bello, quindi praticamente potrei anche tacere. E quindi, però io pensavo di oggi di parlarvi, cioè non partiamo troppo lontano dal francese, anche se, se parlerò in italiano. E faremo un viaggio un po' più leggero. Stasera vi parlerò di Anna Gavalda, che magari accennato una delle settimane. Che infatti Anna Gavalda è una delle autrici che semina un po' di positività nel mondo, diciamo. In tutti i suoi libri il messaggio, secondo me almeno, è che le persone non devono scindersi dalla loro anima, dalle loro passioni vere o da quello che davvero sono delle linee guida nella loro vita. E quindi lei fa smarrire e ritrovarsi i suoi personaggi e con ciò cerca di insegnarci di non perderci dentro il mondo. E diciamo, cioè il libro che conoscono quasi tutti è Insieme e Basta, che hanno fatto anche un film con come si chiama la Amélie Poulain? Che non mi ricordo mai. Comunque, poi ci penso e te lo dico. Lei. Ci siamo capiti. Esattamente, ci siamo capiti. E là si tratta, per esempio, di un artista di molto talentuosa che però un po' si smarisce nella vita, si mette a falsificare dei quadri e dopo praticamente si perde dentro l'anoressia, cioè proprio tanti casini. E poi in conseguenza di una serie di casi incontra due persone che vivono nello stesso appartamento. Uno di loro è un cuoco talentuoso, l'altro invece è un aristocratico un po' strano, e pian piano queste persone riscoprono proprio il loro cuore, perché loro hanno tutti un cuore, è abbastanza anche grande, però cioè, tutto, sai, nel sbrigarsi attorno durante tutte le faccende giornaliere se lo perdono. Ed è proprio questa ragazza che ritrovandosi gli insegna come andare avanti. E l'ultima invece che ho letto è intitolato La Consolante in francese, invece in italiano è stato tradotto con L'età dei sogni, che invece è un libro molto più strano, perché si tratta di un architetto, però l'inizio è proprio confuso, nel senso ci sono dei pezzettini che sembrano tutti, non so, uno non capisce che cosa succede, con chi, perché, eccetera, eccetera. Ma poi dopo, se uno persiste e continua a leggere, realizza che veramente questi pezzettini rappresentano perfettamente lo stato d'animo del protagonista, perché in quel momento la sua vita è a pezzettini, cioè lui non è integro. Tutti questi pezzettini sono lui, ma non sono lui. Si perde nei viaggi, che si perde nel fatto che non è più un architetto creativo, è piuttosto un project manager, si perde nel fatto che praticamente per tutti i viaggi perde il contatto con la famiglia, ma anche con i suoi ricordi d'infanzia, su cui proprio ci mette un muro per non doversi ricordare di personaggi che potrebbero magari rompere questa sua tran tran quotidiana. Quindi alla fine anche lui incontrerà il suo nemesis, l'evento che proprio cambierà la sua vita e che porterà verso un finale felice, perché ad Anna Gavalda ci siamo un po' abituati. Quelli che riescono a leggerla in francese, che lo facciano, perché ha un linguaggio fresco, molto particolare. Io infatti non la capisco in francese, quindi sono costretta di leggerla in altre lingue. Quindi buona lettura a tutti. Ah beh, cara Imola, ti ringrazio anche della veramente presentazione succinta, mi rendo conto che in 6 minuti non si poteva dire altro. Noi invece ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno ascoltato anche questa sera, ringraziamo ancora Gerard e Tomislav che sono stati con noi in studio, salutiamo il nostro George in viaggio che avremo qui solo tra 2 settimane, Dani MRG, ovviamente Mari D, quei microfoni, vi saluta e vi aspetta martedì prossimo. Buona serata e buona settimana a tutti.